بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 25e leçon. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan illa yawmiddin amma ba'd. أولاد الأسئلة لما لا تنفتح نافذة الفصل أبا بكر لا تنفتح فقد أعواج للتلاجع إيه جسم هذا السؤال هذا الجواب لا تنفتح فقد لا تنفتح لا تنفتح لا السؤال لماذا السبب لماذا نقول لك لماذا كذا لا تقول وقد جوابي لماذا كيف يكون لا تنفتح لأنه أعوج معنى أعوج لأنه عج إزلاجها لما غضب أحمد على جعفر غضب على جعفر بسخريته منه ما قال لما قال لما نفس خطا ابي بكر لما غضب على جعفر بسخريته منه نعم اجلس ثالثا ماذا يقال الذين تسودوا وجوههم يوم القيامة يقال عنهم قول تعالى أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أين وجدت الساعة ومتى وجدت الساعة في المصلى أمس بعدما انتهت الصلاة الظهر طيب الوزن إفعل وإفعال خاص بماذا؟ الوزن و والعيوب نعم للألوان والعيوب يقول استخدم الدرس الأفعال الواردة من هذين البابين أعوج أعوج أعوج أعوج كمل تبيض تسود اسودت ابيضت يحمر يصفر ما عمل الراء البصرية القلبية ما عملها؟ عملها ينسب على الاسم وينسب الخبر لا ينسب المبتدأ وينسب الخبر نعم مين أخوات ظننا؟ ثم قلنا لنا عصا أو العصا الناقصة لتم فيما يأتي كلا تفضل عصا أي أن تعود غدا عصا أن يغفر لحظة يقول عصيت أن تعود غدا هذه ناقصة وتم هذه ناقصة Parce que c'est un saïfar. Damir, c'est un saïfar. Un saïfar, c'est un aqsa. C'est ça, après le nom. Damir Moudjoub. طيب وإلى التامة كيف تقول؟ التامة لا تقول عسى أن تفعل كذا وكذا. لا بعد الجملة. عسى أن تعود غدا. نعم. ثانية. ثانية عسى أن يغفر لي أن يغفر الله لي. أين؟ أيوة تفضل. أين زملاؤنا عسى أن يحضروا الدرس؟ نعم. وكيف طالبات جدور الجدود عسى أن يفهمن الدروس؟ طيب الثانية انت العكس. حول عسينا أن نقبل في دراستنا دراسات العليا. يعني سبتي في خلوة سبتي فلتشوف ستايا ما تجمل الأول لست إنسان. ثانيا عسيتي أن تسافري غدا. سبتي voyage demain. عسى المدير أن يسمح لنا بالانصراف. سبق الديريكتور يرمت دو partir. عسى المسلمون أن يتحدوا. سبق المسلم سنس. ثم أطري العصا في جملتين من إنشائك على أن يكون ناقصة في الأولى وتامة في الأخرى. عسى الله أن يعفو عنا. نعم هذه تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. ثم تامة في حقنا نحن نتحقق لا ما يجب أنه لا في القرآن لكن ما يجب قد يكون ترجي. وعسى أن تقول الحق دائما. تمام وأنت؟ عسى المدعو أن يقبلوا النصيحة. عسى المدعو أن يقبلوا النصيحة. أن يقبلوا. كنت عسى المدعو مفرد. المفرد مدعو. جمع. جمع مدعو. عسى المدعو أن يقبلوا النصيحة. وثانية. عسى أن أجد صديقا خيرا منه. طيب هذا فقط اليوم. نعم. طيب سندخل في الدرس 25 مع وصف جديد وهو استفعل. شوف البزيور كي استفعل. عندنا خط الحظ سأقرأ المدرس أبو بكر. أنت زكريا وأنت مروان وأنت عبد الملك وأنت حامد. ادخل يا زكريا. تأخرت كثيرا. ما الذي أخرك؟ كثيرا زكريا في beaucoup tardé. Qu'est-ce qui t'a retenu? Qui t'a fait tarder? كنت متعبا فاسترقيت على قفايا بعد الصلاة لكي أستريح قليلا فعرضني النوم وما استيقظت إلا ساعة تاسعة فتوضأت وتوجهت بسرعة إلى هنا. Donc il dit j'étais fatigué, je me suis donc allongé sur le dos, ou le kafa c'est aussi la nuque. Et c'était le cas, qui s'allongeait sur le dos. Ou le tajara, c'est plus général. Après la salade, afin que je puisse me reposer. Nikkei c'est l'étiade, min al nawasib. Afin de me reposer un petit peu. Et le sommeil m'a gagné. Rarabani. Arabaya Alibou, c'est gagné. Et je ne suis pas réveillé avant, si ce n'est à 9h. Alors j'ai fait l'odo et je me suis dirigé en vitesse ici. Je n'ai ni fait ma toilette, ni je n'ai pris mon déjeuner, on va dire petit déjeuner. Alam yukifka zumana'uk, et tes camarades ne t'ont pas réveillé. Donc il dit, certes, mes camarades qui habitent avec moi sont tous partis à l'aéroport pour recevoir, accueillir leur président. Je ne sais pas quel président il vise. Je ne sais pas quel président il vise. Peut-être le président de leur pays. Voilà. La baisse, il croit le hadith et Marwan. Donc il ne dit pas de mal. Lis le hadith au Marwan. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن آل الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي أطعمكم في خطر أطعمكم أطعمكم السكون بهزوم الطلب يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رواه مسلم. Donc, il dit selon Abiza que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rapporte de son Seigneur, c'est-à-dire son hadith Qudsi, qu'il ait dit, ô mes serviteurs, je me suis certes interdit la justice à moi-même, et je l'ai rendue illicite entre vous. Alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'aurai guidé. Alors demandez-moi la guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Alors demandez-moi que je vous nourrisse et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, hormis celui que j'aurai habillé. Donc demandez-moi de vous revêtir, je vous revêtirai. Ô mes serviteurs, vous n'avez de cesse de commettre des erreurs de jour et de nuit, et moi je vous pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. C'est le plus grand des hadiths que les gens du Sham. Les gens du Sham, c'est vers ce qui est Palestine, Jordanie, tout ça, qu'ils ont rapporté. Le hadith, il est arzim. Là, c'est juste une partie, il est plus long normalement. Il y a trop l'Abdelmalik. Abdelmalik rentre. Dans le siyakoul. Al-Ain ta'ti wa kod intaha al-ders aukad. Il dit, maintenant que tu arrives, alors que le cours est déjà terminé, ou sur le point, ou a failli terminer. Donc il dit, je me suis rendu à l'infirmerie de l'université et le médecin m'a transféré à l'hôpital général. La baisse alayka tuhurun incha'Allah. Astazinuka, astazant al-mudir. Donc il dit, pas de mal, c'est une purification, incha'Allah. As-tu demandé la permission au directeur? Naam, istazantu. Il dit oui, je lui ai demandé la permission avant de partir et ils m'ont autorisé. يرن الجرس فيخرج المدرس ويتبعه حامد ويسر إليه حديثا. Donc la cloche retentit et le professeur sort et Hamid le suit et lui confie une parole, yani discrètement, en secret. Hamid. يا فضيلة الشيخ أريد أن أتحدث إليك في موضوع ولكنني أستحي. Dit qu'il dit au Cheikh, je voudrais parler avec toi d'un sujet, cependant, je suis gêné. قل ولا تستحي. Dis et ne sois pas gêné. أحتاج إلى مبلغ من المال. استقرضت من زملائي من زملائي فلم يقرضوني فهل يمكنني أن أقترض منك؟ Donc il dit, j'ai besoin d'une somme d'argent. Ahtaj, c'est avoir besoin. Mablar, c'est somme. J'ai voulu emprunter à un de mes camarades, mais il ne m'a pas emprunté. M'est-il possible de t'emprunter à toi? Stakrada, c'est vouloir emprunter une somme d'argent. Comme ça, c'est la faïda. Ou à tadayyena aussi, c'est pour une dette. Naam, inshallah. Hamid. جزاك الله خيرا سآتيك بعد صلاة العصر إن شاء الله. Donc il dit جزاك الله خيرا, je vais venir à toi après la salat du asr إن شاء الله. إذن أنتظرك. Donc je t'attendrai. أنت الآن في بيتك الجديد أليس كذلك؟ Tu es actuellement dans ta nouvelle maison, n'est-ce pas? تقول بلى. En effet. عسى أن تكون مستريحا في. En espérant que tu seras à l'aise. Naam, alhamdulillah. Il asla yaqul. Adib al-asla til atiya. Mata staykaza Zakaria min al-naum. Quand est-ce que Zakaria s'est réveillé de son sommeil? Thaniyan, limata akhara Abdul Malik. Pourquoi est-ce qu'Abdul Malik a tardé? Thalithan, mata talaba Hamidun min al-mudarris. Qu'est-ce que Hamid a désiré du professeur? Yaqul min abwab al-fi'l al-thulathi al-mazid bab istaf'ala zidat fi awwalihi hamzatun wa sinun wa ta'un nahu istaqbala istaghfara istamarra. Donc il dit parmi les chapitres du verbe thulathi al-mazid il y a la mesure istaf'ala à laquelle on a ajouté en son début la hamza, puis un signe, puis un tel. Comme istakbala qui veut dire recevoir, ou istakfara qui veut dire demander le pardon, ou istamarra qui veut dire continuer. Fil ghali badil afail, allati tubda badil huruf al-thalatha, tadoul al-talab. Vous voyez, tadoul al-talab. Un sens de demande, de désir, de vouloir. C'est pas l'intloc, mais souvent c'est ça. Yakul istakrib le ders el afal el warida fi ibn al albab. Donc il sort du cours les verbes de, ce, de cette mesure. Madali ders el ati. Inch'Allah. Plus. Yakul ta'amel el mithal thumahat el mudari wal amr wal mazdar min el afal el atiya. Donc il dit. Médite sur les exemples et donne le mudari à l'homme le mazdar des verbes suivants. Yakul, al-mardi istakbala, aya la wazn istaf'ala. Yastakbilu, la wazn istaf'ilu. Istakbil, istaf'il, le mazdar istikbal, à la wazn istif'al. Istaghfara, andek. Istaghfiru, istighfar, la. Istighfir, la. Istaghfir, naam. Istaghfir, Istaghfar. استلقى ايوه عليك الف ممدوده الف حمزه استراحه يستريح استريح استراحه نعم هنا في شيء خاص c'est que le alif dans istiraha tayeb istiraha dans son masdar nous hawilou il a akhir fir wa najalou le temarbouta donc le temarbouta dans istiraha le masdar en fait c'est le il a pris la place du alif dans le madi istiraha ça va donc tous les gens qui ont un alif comme ça طيب قبل اللام على فاز المصدر يبقى قال انت مرده استقبل استقال يعني استقال c'est comme demander une démission une résiliation de quelque chose استفاد chercher à tirer profit de quelque chose يستفيد استفادة يقول عين أمثلة الآتية باب استفعل بمشقاته مشتقاته donc là vous devez trouver les verbes على واز استفعل ainsi que مشتقات الجمل الأولى استحم كل صباح je dis je prends la toilette tous les matins استحم c'est pas la toilette الشاهد استحم ثانيا استأجرت هذه الشقة بخمسة عشر ريال وألف ريال استأجرت يعني جلوي cet appartement pour 15000 ريال استأجرت نعم يستمر الامتحان يومين l'examen va durer deux jours une durée de jours استمر استعدوا للامتحان فإنه قريب جدا préparez-vous pour l'examen car il est certain proche نعم هذا أمر استلم المجرم للشرطة استسلم المجرم للشرطة أيوة le criminel s'est rendu à la police ça se rend يستحب العذر للإحرام le lavage يعني est préférable et recommandé pour les haram c'est-à-dire entrer en état de sacralisation مستحب أيوة là c'est un on dit يعني mourir le sira مستحب سابعا لا يجوز استعانة بغير الله il n'est pas permis de chercher de l'aide à autre qu'Allah استعانة أيوة مصدر هذا الكلام مطلق لا أيوة في شروط في ثلاث مشروع ثامنا أنا مستعد للسفر je suis prêt pour le voyage مستعد نعم هذا اسم فاعل تاسعا أرجو لك مستقبلا زاهرا بس مستقبلا زاهر عشان بس بقول وقال زهرة pas cueillir là, là c'est Moustakbel le futur. C'est pas Moustakbel. Et Zahara avec Chedda c'est fleurir Zahara. Avec une Zahara, Wahda. Ouais. Allah Alain. Zahara c'est ça, c'est la fleur, mais là, Zahir. Allah Alain. أهم شيء الشاهد مستقبلا مستقبلا أو اسم زمان عاشرا وفي تنزيل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Donc lorsque nous disions aux anges, prosternez-vous pour Adam, ils alors se prosternèrent, sauf Iblis. Il refusa, il se prit d'orgueil, et il fut du nombre des mécréants. Là. Stakbar. Stakbar, c'est ce qu'on fait d'orgueil. Devenir orgueilleux. Adam est à Rabbi Waz Mustafa. Ou Aïdan Nasbaha Minel Soudasi. C'est un verbe à six lettres. C'est un verbe à six lettres. Elle est maille à la Ouzana Tiakhazna. Akhazna Fa'ala. Soulasi El Mujarrad. Fa'ala. Fumma ou Ridel Soulasi El Mazid Biharf. Mahia. أفعل و تفاعل لا قلت المزيد الثلاثي بحرف واحد قلت أفعل نعم ثم بقي اثنين فعل فعل و فعل فعل ثم مزيد بحرفين تفاعل تفاعل انفعل انفعل افتعل افتعل فعل افعل افعل Dans mon cas, qui commence par un terme. T'en as dit un seul, il y en a deux. C'est qui t'a dit des fois, j'arrive pas à servir toi entre ta chaîne d'un et ton maître. C'est ça, je sais que t'es l'artère, je me suis fait avoir. Donc, c'est quoi que t'as dit, toi? C'est quel que t'as dit? Non, j'ai dit Tafa'ala, je crois. Avec le maître? Ouais, avec donc, le il manque l'autre? Avec une chita. Tafa'ala. Tafa'ala. Et là, sous la scie, on en a pris deux. Ifta'alla. Ifta'alla. On est à loin. Il n'y a pas Ifta'alla. C'est à moi que tu as inventé celui-là. Ifta'alla. Pour le Halloween, non, c'est quoi? افعل وحق اليوم استفعل طبعا يقول استلقيت على قفايا لكي استريح je me suis allongé sur le dos la nuque pour que je me repose انا الشهيد هو لكي يقول كي من نواصب المضارع طيب النواصب الحقيقية بدون أن مرة ceux qui remontent sous d'eux-mêmes بنواصب المضارع ويسمى حرف مصدرية ونصب واستقبال donc كي ce حرف qui rend le fil مضارع منصوب il s'appelle حرف مصدرية ونصب واستقبال لأنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر فالتأويل المثال السابق استلقيت على قفايا للاستراحة donc en fait كذلك كي حرف كي كم أن رن لفير en مصدر dans le تأويل et تدول على المعنى الاستقبال le فرق entre كي et أن c'est que كي il a sens d'arlil pour donc ce masdar tu l'accroches à la harf au jar la mit'alil كما قال هنا la jumla c'est quoi istalqaytu ala qafaya likay astarih ma mana hada istalqaytu ala qafaya liistiraha pour me reposer pour le repos فهمت اما ان ما في تاويل به حرف الجر alors que kay il vient pour le ta'lil ma'na ta'lil هذا الفرق بينهما ثم يقول والغالب أن تسبقها لام الجر التي تفيد التعليل donc le plus fréquent c'est qu'elle est précédée par حرف جر لام pour معنى التعليل la cause فإن لم تسبقها فهي مقدرة et si jamais tu ne la vois pas c'est qu'elle est sous-entendue إذا دخلت لا نافية على الفعل كتبت متصلة يعني si jamais tu mets la nafia طيب avant le verbe alors tu dois l'accrocher à كي مثلا لكي لا تقول لكي لا طيب هنا le لا qu'on voit après لكي لا c'est la nafia l'accrocher à كي نحو أصلي لكي لا تتأخر عن الدرس طيب accélère ou fais vite pour que tu ne sois pas en retard au cours. Donc, comme on dit, le ghalib, un akay, il y a comme ça, l'em, ta'lil, t'as qu'un likay. Ou l'em, t'as l'em, ma'na n'a mukaddara. Bil ma'na. Et qu'est-ce que tu as dit, Fada? Il t'a oublié le masdar. Il n'a pas t'a gêné le fier masdar, t'as l'en, t'as l'en, l'em, t'as l'en. يقول تعمل أمثلة الآتية لكي يقول أولا التحقت بالجامعة الإسلامية لكي يتعلم اللغة العربية وعلوم الدين donc il dit je me suis inscrit à l'université islamique afin d'apprendre la langue arabe et les sciences de la religion ما معنى لكي يتعلم أي للتعلم معنى للتعلم ثانيا اجتهد كي تنجح فاستجيب pour réussir معنى اجتهد للنجاح هذا التأويل ثالثا كلما يلزم اللام أشهر معنى اللام هذا تعليل مقصود لأن هناك كي وفوق نفس المعنى دي كي وكي بدون لام نفس المعنى ثالثا قال أحمد لي أختي ابحثي عن هذا الكتاب في مكتبة كليتك اكتب اسمه لكي لا تنساي donc Ahmed dit à sa sœur cherche ce livre dans la bibliothèque de ta faculté écris ton nom ou écris son nom le nom du livre pour ne pas que tu l'oublies Anna Shahid لكي لا تنساي رابعا ذهب زملائي للسوق لكي يشتروا الحوائج donc mes camarades sont allés au marché pour acheter leurs besoins فهنا الشهيد لكي يشتروا يشتروا منصوب عرفت نصبي حرف النون لأنهم من الأفعال الخمسة والتأويل للاشتراء طيب للاشتراء الحوائج يقول بعض أصلعوا لكي لا تفوتنا الطائرة Dépêchez-vous pour que l'avion ne nous échappe pas. Le shahid Naam. Wa kayf tu'awil likay la manzar taqul adam. مثلا هنا تقول اصلعوا لعدم فوات طيب الطائره. مثلا اكتب اسمه لكي لا تنسي اي لعدم نسيانك. Le ta'wil dans le nafi, c'est tu mets li adam. Ensuite, tu mets le masdar. Le na'adam, c'est un sens de quoi ? Négation. Tamam. Alain alaykoum. Yakul da' fil farah fima ya'ti likay ou likay la. Summa adil fiel lazi yaliha. Donc, remplis les trous en mettant likay ou likay la, fonction du besoin, et corrige le verbe qui le suit. الجمل الأولى. انتصر كثير من الشباب. كثير. انتصر كثير من الشباب بالجامعة لكي يستفسروا عن شروط القبول. Donc il dit beaucoup de jeunes ont contacté l'université pour qu'ils connaissent ou pour avoir le détail sur les conditions d'acceptation. Fanian. Kana mu'idu rihalati. Rihalati. Il dit le rendez-vous pour le départ était à 3 heures du matin. Donc nous sommes assis, nous avons discuté pour ne pas dormir. Pour ne pas dormir. Yani, li'adam. No. ثالثا سألتك أسئلة كثيرة لكي أفهم المسألة جيدا. Je t'ai posé beaucoup de questions afin de bien comprendre le sujet. رابعا يا جورج غير غير اسمك لكي لا يظن الناس أنك لا يظن لا يظن الناس أنك تصراني نصراني. Donc il dit aux gens change ton nom pour ne pas que les gens pensent que tu es un chrétien. Et j'espère que tu changeras de nom et l'apparence aussi. C'est bien de t'appeler Mohamed, mais c'était un Koussaka à votre asé. D'abord, en apparence, les gens n'ont pas de pourpoint musulman. Khamisan. Ya Zainab, istiqidi mubakkiran. Mubakkiratan. Mubakkiratan. Likay la ta'akhari ani tata. Fita'an. Likay la ta'akhari ani tata. Donc il dit aux Zainab, réveille-toi tôt pour ne pas que tu sois en retard au cours. Ah oui, mais là c'est pour pas qu'il y ait un leps par rapport à ce qui est écrit. Il y a qu'il y a juste un coup. Les quais sont à Akhari. Non. Taouna, Kamelna, Mimé, Atarak, Bikei, Wakei, Kulna, Mine, Nawa, Sib, Al-Fiyan, Sibou, Al-Fiyan, Al-Mudali, Binet, Siha. C'est un ansib, Hakifi. C'est vraiment un amil, Nazm. Il n'y a pas un mulmara. T'amel, Binet, Siha. ثم نصب آخر يقول إذن أنتذرك إذن من نواصب المضارع وتسمى حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال. Donc إذن c'est aussi un ناصب qui rend منصب في المضارع et il s'appelle حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال. يعني c'est un حرف de conséquence et de rétribution de nosb et de futur. Ça va pas être Inch'Allah pourquoi ils ont fait comme ça. Yakul ta'amel amsilata al-atiya tafham ma'naha. Donc médite les exemples suivants, tu prendras son sens. Que veut dire Izan? Hamid yakul sa'azuruka al-yum par salat al-maghrib Inch'Allah. Donc il dit je vais te visiter aujourd'hui après la salat du maghrib Inch'Allah. Et yakul Khalid Izan antaziraka. Donc je t'attendrai. فهنا نرى إذا جاء في جواب صح هذا نوع ريبونس يعني إذا ما يأتي في أول الكلام يأتي في جواب من الكلام لهذا سمي حرف جواب وجزاء c'est une sorte de rétribution يعني comme يعني une conséquence par rapport à ce qui était dit précédemment. نصب لأن الفعل منصوب بعدها واستقبال لأن هذا سيكون بعد. طيب اذا انت في دور استقبال مثل ان ومثل كي تبروف كو لاكشن لا با انكور ليو ايش تفعل. يقول المدرس هذا احسن معجم مدرسي سي لو ميور ديكشنير سكولير طلاب يقول اذا نشتريه دونك نشتريه Ali يقول يصير أستاذنا عدا إلى المدينة النبوية إن شاء الله. Donc Ali dit que notre professeur arrive demain à المدينة إن شاء الله. إيش يقول زملاؤه؟ يقولون إذا نستقبله في المطار. Donc nous l'accueillerons à l'aéroport. المدرس يقول أخشى أن يطوى كيدك فإن غيابك كثير. Je crains que tu te fasses renvoyer ou que tu plies bagages car tes absences sont nombreuses. Hamid يقول إذا لا غيبة في المستقبل إن شاء الله. Donc il dit donc je ne m'absenterai plus dans notre futur ou à l'avenir إن شاء الله. أستاذنا أستاذنا أستاذنا تمام. أما الآن إذا يعمل بشروط في الكونديشن سيذكرها الآن. يقول ترسيب إذا الفعل المضارع بالشروط الآتية. أولا أن تكون متصدرة. Donc elle soit en début. Mais en début de quoi? En début de jawab. Pas en début de kalam. Vous voyez? Elle soit en début de jawab. Et quelqu'un parle, et dans la réponse tu mets idhan. Au début de la phrase, direct de la réponse. Thalithan, an takuna ghala mafsulatin an fi'l bi ghali qasam wa la nafiya. Donc elle soit avec elle directement après le verbe. Vous voyez? J'ai dit quoi après? Ah ouais, avant le verbe. Il y a des kalimas qui séparent entre elle et le verbe. À part deux choses. Le qasam, un serment, ou l'anafia. Masalat takul. Nakhouz el misal. Akhsha an yutwakaiduk fa in ghiyabak kathir. Ash yakul Hamid. Idhan yafsid yakul wallahi la aghiba. Fil mustaqbal, inshaAllah. أو يقول إذن يا أستاذ لا أغيب في المستقبل إن شاء الله. Donc là il peut mettre entre إذن et le verbe soit un قسم ou soit un إذن. Il a le droit. Mais s'il met autre chose entre إذن et le verbe, là il n'y a plus de travail. Il n'y a plus d'action qui se fait et le fier qui vient derrière إذن ne sera pas morceau. Donc là il y a une fois une permission de travail juste quand elle est séparée par le qasam ou par el nida. Le qasam ou el nida. On ne va pas marquer el nida. On ne va pas mis. Non. Remets-le toi. Qasam ou el nida nafia. Remets-le, rajoute-le là. Là, c'est el nafia, ouais, non, ils ont mis. La nafia, ça va venir après, Inch'Allah. Comme si c'est, Ivan, comme il l'a mis là, Ivan là, arriba. Là, il y a la nafia. Vous voyez? Tamam. Il y a quoi? En yakuna zamanu fil mustaqbalan. Et que le temps du verbe soit au futur. Faut que l'action va lieu au futur. Ah Moudalia. Kif. Non, le Moustakbel, il rentre dans Moudalia. C'est un verbe Moudalia avec un sens de futur. Là, là, il a un sens de futur, lui, tout seul. Naam. Yakul had thalatha amthilatin li idhan. Aba Bakr. La bitakallam. يقول خلي ثاني سابعا لاستحممت ولا افطرت كما جاء في النص je n'ai fait ma toilette ni pris mon déjeuner. إذا نفي الماضي بلا وجب تكرارها. Quand tu fais un fait ماضي, tu fais une négation avec la, t'as la base avec ما en fait. ما ذهبت, ما جلست, ما فعلت. Mais si jamais tu fais avec la, alors t'es obligé de répéter une deuxième fois. كما قال هنا لا استحممت ولا افطرت. Tu dis pas لا استحممت sinon tu te tais. ما يجوز. Il y a un difficile calme. Tu dis ma استحممت alors, si tu veux dire un seul. Si jamais tu veux dire la, tu es obligé de faire une répétition. Quand même, tu es obligé de répéter la chose. لا ذهبت ولا كتبت. لا نمت ولا كتبت. هكذا. وفي تنزيل دليل في القرآن فلا صدق ولا صلى إن ني كرو ني في الصلاة. Mais dans le marna là c'est pas comme là. Si, sauf que là tu es obligé de répéter. C'est pas. C'est plutôt ni tu vois. Toi j'ai plus par ni. Il n'a ni fait ceci ni fait cela. Mais c'est un marna de la fille. Parce qu'en français quand tu dis ni, tu es obligé de répéter après. Tu dis pas je n'ai ni été après tu t'es. C'est genre dire c'est quoi la suite. Tu dis ni et ni. Là, c'est pareil de là. Yakoul, un fil firlé, fi kulli jumlatin mimayati bi la. Donc, fais une négation dans les phrases suivantes avec la. Al-oula, anak ya baba. Al-oula, qara'tu darsu. Qara'ta. Qara'ta darsa, wa kitabta, wa kitabtahu. Tu as lu le cours et tu l'as lu. لا قرأت درسا ولا كتبته. نعم خليها لنا تقولوا. ثانيا. لا رأيته. اقرأ ولا الجملة الأصلية ثم غير. رأيته وكلمته. Je l'ai vu et je lui ai parlé. لا رأيته ولا كلمته. نعم ثالثا. ضربني وضربته. Il m'a frappé et je l'ai frappé. لا ضرب لا ضربني ولا ضربت. نعم. رابعا. أكلنا وشربنا. لا أكلنا ولا شربنا. N'avons ni mangé ni bu. طيب. يقول ثامنا. الآن تأتي وقد انتهى الدرس. على كلام في النص. Maintenant que tu arrives alors que le cours est déjà terminé. إذا دخلت واو الحال على جملة فعلية فعلها ماض مثبت دخلت معها قد. هذا مما أخذنا في أول كتاب في باب النحو الجملة التي في محل حل التي فيها واو. مات أبي وأنا صغير. حج جدي وأنا مثلا بلد كذا. طيب هذه الواو واو الحل. ومما أخذنا نحن في الدرس الماضي أن المثال الذي أخذنا نحن كان مع جملة اسمية بعد واو. مثلا مات أبي وأنا صغير بعد واو أشجع جملة اسمية نترى خبر. فالآن يقول تستطيع أيضا تقول مع جملة اسمية بفعل أولا بفعل مضارع مثلا تقول دخلت الدرس والمدرس يكتب. طيب والمدرس ما يكتب هذه جملة اسمية لكن خبر هنا جملة فعلية بفعل المضارع. فالآن يريد أن ندخل واو الحال في جملة فعلية بفعل ماضي مثبت. Maintenant on va entrer واو dans une verbe, dans une phrase à verbe au passé en affirmation. Donc là il dit quoi ? Il faut mettre code. Il faut mettre code pour qu'on sache que c'est une جملة حال. مثلا يقول كما جاء هنا الآن تأتي وقد انتهى الدرس. C'est maintenant que tu arrives alors que le cours est déjà terminé. فهمت؟ وفي الحقيقة ما يجب أن تجعل قد. قد هو الأكثر. أما بدون قد تستطيع أن تقول نفس الجملة بدون قد. تقول الآن تأتي وانتهى الدرس. أما الأحسن ما كل أحسن لأن جاء في القرآن. أنا ما عندي مثال لكن جاء في القرآن وفي غير ذلك يا سي جمله الحاليه بفعل ماضي مثبت بدون قد بدون قد يجوز كذلك ça c'est pas واجب c'est plus connu c'est plus fréquent amen يقول تعمل المثال ثم اكمل الناقص طيب اولا يقول المثال دخلت المسجد والامام يسلم يعني je suis entré dans le masjid alors que l'imam faisait taslim تقول دخلت المسجد وقد سلم الامام je suis rentré voyez dans le masjid l'imam avait déjà fait taslim طيب يقول والامام يسلم هذه جمله اسميه وسلم الامام جمله فعليه فعل ماضي مثبت لقلنا ميقد لقلنا ميقد الى الجمله لا مثلا دخلت المسجد والامام يسلم الجمله بعد الواو الامام يسلم عندنا مبتدا الامام يسلم جمله فعليه في محل رفع خبر والجمله كامله الامام يسلم في محل نصب حال طيب الجملة الاسمية في محل نصب حال هكذا لا ça devient comme des surchevêtres hein. un sur l'autre sur l'autre sur l'autre attention pour suivre t'as fait t'as dit l'ordre de l'imam après t'as dit l'ordre de Yusallim après t'as dit l'ordre de la phrase Yusallim et après t'as la phrase l'ordre de la phrase entière l'imam Yusallim ça s'arrête pas hein. donc attention pour s'approcher Mais c'est pas tout le temps une phrase à dire là, non, c'est pas tout le temps. Des fois, tu as une phrase, la mahalala min yarab. Tu vois, des phrases ont pas dire là. Et des phrases ont dit yarab. Non. T'as dit, il y a un topic à la fin, il y a un silal à la tia. Il y a un fadal à Babak. Je suis rentré dans le masjid et l'imam faisait le takbir. Non. Thanien. Nous sommes entrés dans le masjid et le muazzin faisait l'iqam. Alors que le muazzin fait l'iqam. Nous sommes arrivés à Medina et le soleil se couchait. حبيتت الطائرة نعم خامسا دخلت الفصل والمدرس يشرح الدرس je suis entré en classe alors que le professeur explique le cours دخلت الفصل وقد شرح الدرس المدرس درس donc le tarkif c'est quoi c'est on a le waw hal avec une jumla ismiya ou sinon waw al hal zayd qad zayd jumla al fi'liya fi'l waw maadi muthbat tamam ثم يقول تاسعا كما جاء في الحديث القدسي وجعلته بينكم محرما اي اذل je l'ai rendu entre vous illicite هنا جعل الفعل جعل من افعال التحويل وهي بمعنى سيرة تنصب المفعولين أصلهما مبتدا وخبر يعني الآن يريد أن تفهم أن الفعل جعل من أخوات ظن سجعل لا لا كنا من نورا فينا بذير جعل يبريسيدي من أخوات ظن يتفيد التحويل يعني بعض الشوز شغلو سفر transférer, faire devenir, transformer. Et là, nous traduirons par quoi ? je l'ai rendu entre vous à un tel illicite, c'est-à-dire le zulm. Non. Sayyara, c'est le Sara Yassiru. Ça veut dire quoi, Sara Yassiru? Ah ben la Sayyara, c'est faire devenir. Yakul, Mathalen, Al-Kham, Haram. L'alcool est illicite. Yakul, j'ai Allah ou le Khamra, Haram. Enfin, le premier, le Kham, Haram, Kham, Mutada. Le Haram, Khabar. J'ai Allah ou le Kham, Haram. Ou Haram. C'est j'ai Allah, l'affirmant a dit. Tamam. Mabni à la fat, la mahala lahu, min yalam. Allah la jalala, fa'il, marfou, bil fi'al. Ou alors tu refais, dhamma. Ou le Kham, مفعول به الأول وحراما مفعول به الثاني وأصلهما مبتدأ وخبر طيب أصل الخم حرام مبتدأ وخبر ليس عمل ظننا وأخواتها طيب لا سي مانجي لا فيونس كي با 40 jours là. Ça c'est celui qui ce que tu passes c'est manger de la viande qui est pas halal. C'était doigts sont refusés. Et celui dont les garçons sont pas acceptés pendant 40 jours, c'est pas le femme, c'est celui qui est parti voir un voyant. Il y a quoi encore? Et il y a d'autres trucs. Mais même il me semblait, je sais pas, le femme c'est le. Par rapport à la drogue. Là, il n'y a pas de dalil là-dessus. Le khom, normalement, c'est tout jad, on fouette. Tu peux dire du khom, donc le hokem, il t'attrape et il fouette. En réprimande. Fayyid yakul, fi tanzil, amsilam a ja'ala. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, wa ja'a al-qamara fihinna nura, wa ja'a ash-shamsa siraja. Donc, n'ont-ils pas vu comment est-ce qu'Allah a créé cette chose superposée? Et qu'il a fait de la lune une lumière, ou dans les, j'allais dire dans les cieux, il avait de la lune une lumière, et qu'il a fait le soleil le soleil une lampe. Revenez Shahid, وَجِعَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. Vous voyez, puis il a fait la rendu de la lune, فِيهِنَّ, c'est-à-dire dans les cieux, une lumière. وَجِعَ الْشَمْسَ سِرَاجًا. Il a rendu le soleil comme une lampe. ثانيًا وَاللَّهُ جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. Et Allah a fait pour vous de la terre une étendue. ثالثًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Et si Allah avait voulu, il aurait fait des hommes une communauté unique. On est sur le même milla. On a shahid. جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً. فَالنَّاسَ c'est مَفْعُولٌ بِهِ الْأَوَّلُ وَأُمَّةٌ مَفْعُولٌ بِهِ الثَّانِي وَهَا وَاحِدَةٌ فَسَأَلَ النَّعْتُ. وَجَعَلَ فِي الثَّانِي بِالْمَحَلَقَةِ. أي ثاني؟ لا. C'est le même. Et deux mafoul. Si vous deux mafoul, c'est pas mon akhala. طيب. ثم يقول وَتَأْتِي جَعَلَ بِمَعْنَى ظَنَّةِ. جَعَلَ قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى ظَنَّةِ وَيَبْنِ أَفَلْ رُجْحَانِ. C'est-à-dire des verbes pour lequel tu as une pensée, mais la chose pour laquelle tu penses, elle est prépondérante. Elle est plus proche de la vérité. Et tel axe, le chèque. Tu penses une chose, mais ce que tu penses, c'est plus faux. Fahimt? Yakulnahu, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadu ar-rahman inatha. Et ils pensèrent, les anges, que, c'est-à-dire ceux que dont Allah, ceux qui sont les serviteurs d'Allah, du Rahman, ils les crurent féminins. Vous voyez, ils les crurent féminins. C'est-à-dire, pour eux, c'est une pensée, quand même, cette pensée, ils la croyaient vraie. C'est pas, ils doutaient. Même Tani, c'est pas, ils doutaient. C'est une chose qu'ils pensaient, mais ils n'avaient pas de preuves, mais c'était en eux, c'était ça la chose la plus proche de la vérité, c'est que les malaïkas, c'était des femmes. طيب يقول جعل بهذين المعنيين من أخوة ظنة. Donc جعل بمعنى سيّر بمعنى ظنة. Comme on vient de voir dans l'exemple là dans le verset, sont parmi les sœurs de Vanna. Yani Latita Tafsid Mafoulain. Ça c'est l'un des sens de Ja'ala. Maintenant il y en a c'était d'autres. C'est pas tout Ja'ala qui est dans ce sens-là. Yaqul wa takun aidan min afal al-shuru'. Akhadha afal al-shuru'. Misl akhadha, waqafa, tawfiqa. Et les verbes de début, début d'action. وتعمل حينئذ عمل كان نحو جعل حامد يضربني اي حامد سيبيه مفرابي كما خذا وتوفق حامد يضربني ووقف حامد يضربني كما خذنا في الدرس السابق الى ثمورا اللي parmi les vers de كان parmi les vers de كان يقول وقد مرت بك في درس سابق نعم الى دون الكونديسيون pour que les afal shuru la condition c'est que le khabar soit une jumla fi'liya bi fi'l mudari' on a dit ça comme shurut tu dis pas salon tawfiqa al walad fi ders طب ايه مثلا الجمله الفعليه على كيف المضارع تفق الولد يبكي مثلا وإذا تأتي بمعنى أوجد كما قال أبو بكر الآن أوجد وخلق وهي فعل تام مثلا فعل تام عادي وتنصيب مفعولا واحدا كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور donc l'ange Allah celui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé on va dire les ténèbres et la lumière. Quand même, Pierre Bakr, quand il est dans la khalaqa, il a un seul mafoul. Vous voyez, il a un seul mafoul. Là, c'est un verbe par lequel les moutadiyah ont essayé de rentrer. C'est-à-dire que le Coran, il est créé. Quand ils ont dit, وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ils ont dit, voilà, la ja'ala, c'est khalaqa. خَلَقَنَّاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا Il a dit non, c'est ja'ala, ma'na aish, sayyara. C'est pas kharaqa. Il y a mafoulain, Qur'anan, arabiyan. Là, c'est mafoul awel, mafoul thani. Ça, c'est un peu plus large, par lesquels Satan voulait dire quoi que Allah a créé le Qur'an et leur dalil, c'est ça. Là, c'est ba'atil, kalam ba'atil. Et ce qui dit ça, c'est lui qui l'a pas étudié langue arabe. Tamam, yakul ayyan ma'na ja'ala fi ma yati. Donc, il dit, définir le sens de ja'ala dans les phrases suivantes. هذا سيكون في البيت هذا سيكون في البيت عندنا وقت طويل في صفحة تمام أكون عاشرا كفاية هي متكلم مفتوحة مع اسم آخر ألف أو ياء ساكنتان يعني quand tu veux un اسم منقوص ou un اسم مكسور مضاف إليه متكلم تمام كيف تفعل تمي لو يا après la lettre tu mets une fatha sur le ya مثلا عصا bâton quand tu dis bâton moi عصا يا فتايا قفا سيكون قفا ها فتا quand je dis mon jeune garçon فتايا Dunya, tu vas dire Dunya ya. Amen. Yada ya. Là, ça revient à ce qu'on avait dit auparavant. Ça, c'est Moussanna. Ça, c'est Moussanna. Mais demain. Et Rasatou Yada ya. Moussanna Mansoum. Et Moussanna Mansoum. Selon la diable que par. Donc, le. Donc là, tu sais que l'ism maksour, quand il est mudaf, il est mutakallim, le yach min fatha. Yach min fatha. طيب خلوا ال 11 نقول ما شاء الله 12 يقول حق مضاري على فعل آتية donne le présent des verbes suivants غربا Que dire avant le je suis triomphé? Non. Habata, descendre, atterrir. Habata, c'est pas frapper. Habout. Wahbutu minha jami'an ba'dukum min ba'din adu, descendez. Kassa, qui veut dire habiller. Et donner aussi, ça peut dire hein, le sens de ata, ata yorti. Yaksi. Là. إذا كان الألف ممدودا يقلب واو خذ قاعدة يكسو quand tu vois le واو bâton comme ça tu transformes en واو et quand tu vois مكسورة comme du ya c'est là que tu mets en ya أفترى يفترى نعم ça c'est prendre le déjeuner ou sinon ou également rompre le jeûne أسرى يسره لا أسرى رباعي Yusavu. Là, Yusirru. Il va dire un secret. Akrada. Iktarada. Yuktarid. Akrada, c'est prêter comme prêter de l'argent. Iktarada, c'est vouloir. Yaktarid. Moi, je viens de Asa, c'est Asayat. Non. يقول حتى أبواب الأفعال الواردة في حديث أبي ذر وأذكر أبواب الأفعال الواردة في حديث أبي ذر donc les verbes sont dans le hadith d'Abi Dhar ou dans le texte chaque verbe qu'il y a vous devez trouver son voisin على الإغاد إن شاء الله طبعا خامس عشر أو رابع عشر حتى مفرد donne le singulier des mots suivants الحوائج حاجة الشرطة شرطي والكفاء غير الجمع فيلا لا قفايات دعا هذا قفايات ما جاء أكفية طيب خمسة عشر ما أصل تظالموا في قولي عليه الصلاة والسلام فلا تظالموا ما أصله لا تتظالم ماذا في قولي تعالى ها ليس حديث قدسي وليس بمعنى اللفظ كنا في قولي على أيوة من الاسم كي يقولون سيسك فقط محمد صلى الله عليه وسلم يعني اللغة الله أعلم ثالث عشر يجمع عارين على غراء عارين سيكوا سي اتنو سيس منقص على بس غاري أي كليا لكم سمنقص ومن تنوين كم لنكرا ولم تنوين على وزن فعلا يجمع الأسماء الآتية هذا الجمع ماشين مشات بل قادين قاداتون لا نعم ça c'est le juge mais machine c'est le piéton هادين هداتون le guide on va dire رامين celui qui tire qui envoie روماتون نعم والي ولاة ولاة نعم سكوت والي يعني سي ولا ça peut être une chose qui vient à la suite ولا يلي et là ولا طيب خير ان شاء الله غازين كونكيرون كومباتون حافين مارشي بيي نو كيف تقول حافين لا حافين حافين الجوالي استيقوا غازين لا حافين سك الجم الجم حفات نعم حافين في مارشي بيني والي في الوالي والي كمد والي معنى ولي طيب يقول خلاصة نواصب الفعل المضارعي أربعة أحرف donc ceux qui font rendre le fil modali en dessous de même font quatre lettres un où il y a harf masdaliya wa nasb istiqbal nahou wallahi yuridu yatuba alaykum et Allah veut accueillir votre repentir ثانيًا لن وهي حرف نفي والنصب استقبال نحو قال إنك لن تستطيع معي الصبر tu ne pourras pas patienter avec moi على كل من الخالية لموسى عليه السلام ثالثًا كي وهي حرف مصدرية والنصب استقبال نحو كي نسبحك كثيرا afin que nous faisions beaucoup de tasbih pour toi على كل من موسى ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رابعا إذن وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال نحو حميد يقول سأزورك غدا إن شاء الله فخالد يقول إذن أن تذيرك فهذه الحروف الأربعة أن ولن وكي وإذن هي النواصب الحقيقية سنبغى نواصب كان في المنصوب دلما سواء من مرة أمام إليزوس comme « hatta » et les autres, « ayib ta'amel bi'an mun mara »« lesa bi'an fiha » Non. « Asna kifuna » dans le « daf »« Aliyam aqadna al-waz jadid »« al-waz istaf'ala »« aqadna nasiban jadidan »« ou nasibayn »« aqadna kay »« aqadna idhan »« aqadna kay »« aqadna idhan »« kathalik »« aqadna ja'ala » من معاني جعل أنه قد يكون من أخوات ظنة وقد يكون من أخوات كائنة وقد يكون في رنتامة يحفظ المعنى نعم في سؤال شروط إذا تكون متصدرة يعني في البداية الجمعة الجواب أنت تي أن يتلفي بعد المباشرة وتكون الثالث كل ما نستقبل مستقبل هذا فقط les conditions font de leur apparence مفهوم فإلى هنا سبحانك اللهم لا ينتصر لك